sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Je m'appelle Kiwan. Et puis, dans la prochaine heure, ce qu'on va faire, comme d'habitude, c'est entendre de la musique entièrement francophone. C'est ça le concept de l'émission. Mais aussi, plus particulièrement, ce qu'on va entendre aujourd'hui, il va y avoir, entre autres, dans les nouveautés, l'album de Dom Lebeau, l'ancien batteur des Cowboys Fringants. On a reçu l'album cette semaine à la station. Je ne l'ai pas analysé de fond en comble, mais en tout cas, j'ai une petite opinion déjà sur cet album-là. Aussi, dans les nouveautés qu'on a reçues, Saveur Marmelade, un album d'un groupe qui avait été sur le palmarès. Déjà, il y a eu deux pièces, il me semble, sur le palmarès parce qu'on avait reçu déjà un album démo de eux il y a peut-être un an de ça. Donc là, on a reçu l'album complet. Dans les groupes un petit peu plus connus qu'on va entendre aujourd'hui, ben, entre autres La Descente du Coude, et eux, on va les écouter tout de suite avec la pièce Rock Hockey sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Yeah. demande de couch, j'enjambe les pieds vides dans le salon. Ramasse dans les corps morts, mets du gaz dans ton char. Les portes sont barrées, les clés sont restées sur le dash. Sur la 40, les cheveux dans le vent. Sur la 40, au volant de ma voûte. Au volant de ma voûte. Ça sent la lavanderie, le petit sapin vert, l'odeur du cuir neuf a disparu des sièges depuis longtemps. Que j'aurais dû quitter cette ville qui a brûlé. Brûle encore une fois de temps en temps. Quand les jeunes font du hache avec du nafta, où toute la ville décide. Je brûle les boules au vent, tu fais des crises de beaux arbres. Noël s'année le long de la route, le sapinage brûle. Ici tout le monde se trouve beau, se donne des tapes dans le dos. C'était Mimi Van Der Glo avec une pièce qui est presque devenue un classique ici à C'est fou, Soleil de la Rive-Sud. Ça fait déjà quelques années qu'on avait reçu ce simple-là et puis que ça joue parce que c'est vraiment très bon, c'est une très bonne pièce. Et elle se retrouve sur l'album complet de Mimi Van Der Glo qui s'appelle Radar et dont plusieurs extraits déjà ont joué dans les palmarès ici à C'est fou. Et c'est vraiment un très bon album. Si vous aimez le rock vraiment typique là, d'un bon vieux rock là, simple, efficace, pas trop fancy. Mimi Van Der Glo, c'est vraiment très bon. Puis surtout sur scène, là, ce genre de rock-là est assez efficace sur scène. Juste avant ça, on avait entendu un groupe aussi qui fait dans un rock pas très pas trop léché, disons. C'est Saveur Marmelade. Donc, comme je le disais avant le bloc, on avait reçu déjà une pièce. C'était deux, un album, c'était deux simples. En fait, deux pièces qu'il y avait sur ce genre de démo de Saveur Marmelade. Ça avait joué quand même pas mal dans les palmarès, entre autres. Mais sinon, c'est ça, le son de Saveur Marmelade est pas exceptionnel. Ça reste assez rough, avec une voix assez rough, oui, justement. La pièce qu'on a entendue s'appelait Un pied dans le cendrier. C'est quand même aussi dans ce style-là efficace, là, comme rock de garage, dans le style rock garage, un peu rough. Saveur Marmelade, ça peut faire la job. Donc voilà, ça c'était une nouveauté. On a reçu cet album-là aujourd'hui, cette semaine, assez fou. C'est quand même, je vous en parle de cet album-là puis que je suis pas si épaté et si ébloui, c'est quand même, je pense, la meilleure nouveauté de la semaine qu'on va entendre ici parce que maintenant, c'est le moment où je vous parle de cet album de Dom Lebeau, le batteur des Cowboys Fringants qui avait quitté le groupe. Ça fait déjà peut-être, ça doit faire un 2 ans environ qu'il a quitté le groupe. Et puis, ben, c'est ça, j'ai jamais su trop si c'était quoi les raisons. On sait qu'il y avait comme des différends au niveau de l'avenir du groupe, du son du groupe. Puis moi, j'avais comme toujours eu l'impression, je me rends compte que j'avais probablement tort, mais j'avais l'impression que Dom Lebeau était peut-être celui dans le groupe des Cowboys Fringants qui tenait le plus à garder le style Cowboys Fringants, le vieux style néo-country un peu humoristique. Mais en tout cas, si on se fie au son de son album qui s'appelle Grand Naïf à Dom Lebeau, ben, je suis pas sûr que c'est vraiment un style qui aimait tant que ça et qui voulait continuer à exploiter, parce que le style de l'album Grand Naïf de Dom Lebeau est vraiment tout autre de tout ce qu'on fait ou ont pu faire ou feront, je pense, même les Cowboys Fringants. C'est vraiment un rock populaire, assez simple. Dans les compositions, il n'y a vraiment rien de très recherché. Les arrangements sont pratiquement inexistant. C'est presque simplement des airs de guitare électrique avec la voix de Dom Lebeau qui est pas extraordinaire, là, sincèrement, pour l'avouer sincèrement. Je pense pas que lui non plus là, se considère comme un grand chanteur. Mais c'est ça, ça reste de la chanson. C'est vraiment de la chanson rock populaire, je dirais. Moi, personnellement, je suis pas sûr que je vais aimer l'album, mais je laisse quand même la chance au coureur. Et puis, on va écouter la pièce ensemble, la grosse boule jaune. Puis je vais aussi l'écouter comme il faut, l'album, là, pour voir si je pourrais pas avoir une meilleure opinion, parce que j'ai quand même survolé assez rapidement. Peut-être bien que je vais l'aimer un jour, mais en tout cas, de l'écoute que j'ai faite, ça me donne pas vraiment le goût d'approfondir mon écoute de cet album de Dom Lebeau, mais quand même, je suis un petit peu voyeur, un petit peu pervers même, vous le savez, si vous écoutez les palmarès. Donc, je vais probablement me rendre la semaine prochaine au Nord-Ouest Café, parce que Dom Lebeau va être en spectacle. Donc, je vais peut-être aller voir de quoi ça a l'air sur scène, simplement, je pense, pour vraiment le côté voyeurisme, voir qu'est-ce que ça donne, cet ancien Cowboy Fringant qui est parti seul avec son projet. Donc, c'est mercredi prochain, le 27 mai. Et puis, ce qui est aussi très intéressant de ce spectacle-là, si jamais ça vous tente vraiment pas d'aller voir Dom Lebeau, tu sais, si au pire, vous avez tellement de doutes que vous dites « Ouais, je suis pas sûr que ça vaut la peine de me déplacer pour ça », ben dites-vous au moins qu'il y a une première partie vraiment très intéressante. C'est Serge-André Amine, le chanteur de Major Bidet, qui va faire les pièces de Major Bidet, mais en formule solo. Donc, lui seul avec sa guitare acoustique, c'est une formule que j'avais déjà vue. J'avais vu une première partie du groupe Bivouac faite par Serge-André Amine avec des nouvelles compos à cette époque-là. Ça fait quand même longtemps. C'était des compositions de l'album, l'autre album, là, truc, chose, tapisserie. En tout cas, je vous reviens la vie qui fait avec la tapisserie. Puis c'est ça. Donc, là, ce sera des pièces sûrement qui fera du prochain album de Major qui n'est pas encore sorti, je crois, mais qui est à paraître bientôt. Donc, c'est ça, deux gars qui font partie de groupe, mais qui seront en formule solo mercredi prochain au Nord-Ouest Café. Donc, on commence avec Dom Lebeau, et puis plus tard dans le bloc, il y aura du Major et peut-être bien du Bivouac. Tiens, je viens de parler de Bivouac, puis ça m'a comme donné le goût, ça fait longtemps que je n'en ai pas passé. Donc, je prépare ça pendant qu'on écoute Dom Lebeau tout de suite avec la pièce La Grosse Boule Jaune. Vous êtes à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. J'aime ça quand ça rentre, la grosse boule jaune. Vas-y, déshydrate-moi, bois-moi jusqu'à plus soif. Je voulais m'évaporer justement. C'est l'heure où tu te fais justice. On m'a dit d'être méfiant. Tu sois ou bien que tu t'éclipses. Pour longtemps, tant que tu tiens là et puis que tu m'aveugles, la grosse boule jaune. M'en rester drette, j'en prendrai plein la gueule, la grosse boule jaune. M'en pisser face au vent, le faire malgré la tempête, m'en sourire à belles dents, courir comme une poule peut-être. Voilà, donc c'était Major Bidet avec la pièce Painful Love. C'était extrait de leur album La vie qui fit avec la tapisserie. Et juste avant ça, bien, c'était la pièce La grosse boule jaune de Dom Lebeau. Donc, si vous voulez bien vous faire une meilleure idée de ça, bien, l'album Grand Naïf est disponible en magasin depuis aujourd'hui. Ça a l'air d'être un album autoproduit par Dom Lebeau. Et puis, sinon, bien, j'imagine qu'il doit être disponible en spectacle. Et ça, vous pourrez le voir en spectacle mercredi le 27 mai au Nord-Ouest Café. On va maintenant aller en pause tout de suite, mais restez là parce qu'au retour, il va y avoir entre autres Bivouac et d'autres excellentes musiques francophones. de regarder les taches d'encre. Dans une d'elles, je vois cacher en plein son centre un misérable papillon blessé. Endommagé, il cherche à se reposer. Il est là, bien étendu, attendant l'inattendu, à se faire saigner. C'est Alexandre Desilets qu'on vient d'entendre avec la pièce L'éphémère. C'est vraiment très bon, ça. Alexandre Desilets, je suis allé le voir en spectacle la semaine passée. J'avais fait jouer souvent cette pièce-là, en fait, qui est extrait. Ben, la pièce qu'on joue ici, assez fou, là, d'Alexandre Desilets, elle vient de la compilation de la Sopref, là, Québec émergé en 2008-2009. Mais ça, Alexandre Desilets a vraiment un album complet. Alexandre Desilets, si je ne me trompe pas, c'est même un récipiendaire du concours de la chanson de Granby. Puis ça, il y a vraiment un album là, qui existe au complet. Le nom de l'album m'échappe, c'est dommage, mais je vous en reparlerai tantôt au pire. Mais c'est ça, vraiment un très très bon spectacle d'Alexandre Desilets que je suis allé voir samedi dernier. C'était à Montréal, par contre, c'était au Divan Orange. J'ai pas toujours été à l'aise, j'ai pas toujours aimé les spectacles que j'ai vus au Divan Orange, parce que c'est quand même une petite place. Tout dépendamment du groupe qu'on va voir, il y a certaines fois des drôles d'ambiance. Mais là, c'était vraiment super super sympathique. C'était très chaleureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faisait vraiment une chaleur incroyable. Puis pourtant, en fin de semaine, il faisait plutôt froid. froid en général dans la vie, là, mais il y avait une chaleur vraiment très, très intense au spectacle d'Alexandre Desilets. Et puis, c'était précédé ça de... Ben, il y avait en première partie plutôt d'Alexandre Desilets, il y avait le groupe Charcutte qui était là, qui est un groupe électro-instrumental qui ont aussi des projections du VJing pendant leur prestation. Puis Alexandre Desilets aussi, pendant son spectacle... projection vidéo pendant presque tout le spectacle, puis c'était quand même assez simpliste comme projection, c'était pas trop chargé. Souvent on a l'impression dans quand il y a un artiste qui fait de la projection, des fois on perd presque l'attention sur la musique parce que des fois c'est tellement chargé, c'est presque une histoire qu'on peut suivre en parallèle, c'est presque deux événements, tu sais, la projection puis le spectacle. Mais là c'était vraiment subtil, c'était juste bien appliqué au spectacle, c'était vraiment juste un très bon support visuel pour la musique d'Alexandre Desilets. Donc, vraiment un très, très bon spectacle. Et puis, je vous donnerai peut-être plus d'infos tantôt, là, si j'en trouve un peu sur cet album de Alexandre Desilets. Juste avant Alexandre, ce qu'on avait entendu, c'était Bivouac avec la pièce À ma table. Et puis, pas beaucoup de nouvelles du groupe Bivouac qui était supposé quand même faire une petite tournée, là, peut-être un an, quand l'album est sorti, le synopsis de notre histoire. Finalement, je sais qu'ils ont eu... Ils ont perdu momentanément une membre du groupe. Puis finalement, je sais pas, on n'a plus trop de nouvelles de Bivouac. J'aimerais ça qu'il se passe quelque chose parce que vous savez, c'est un groupe que j'aime beaucoup, Bivouac, que j'en ai fait tellement jouer ici. J'adore ça. Et puis, j'aurais jamais assez vu Bivouac en spectacle. Ils sont vraiment très, très bons. Maintenant. Il semble que je parle beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de musique dans l'émission aujourd'hui parce que j'arrête pas de parler super longtemps. Donc, on va aller en musique tout de suite parce qu'il reste plus beaucoup de temps, il reste une vingtaine de minutes environ. Donc on va aller écouter un petit bloc assez différent quand même de ce qu'on vient d'entendre. On va entendre dans ce bloc-là, comme à la télévision, la pièce qui est sur le palmarès, la pièce de Omnichrome qui est sur le palmarès francophone assez fou ici. Mais juste avant ça, un peu dans le même style, on va entendre le groupe Vive la fête avec la pièce Nuit blanche tout de suite à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Je vais jamais arrêter. C'est magnifique quand même. Surtout pas. ce n'est pas un méchiré dans toutes les galaxies pour déchiffrer le monolithe. À cheval sur le thème de ma voix, pose-moi. Il était une fois la vie, globe plus blanc, prépare-toi. Au Congo ou sur la lune, j'ai mes deux pyramides rôdées. Tous nos déris et fusils n'ont aucune sirène pour m'arrêter. Vieux psychopathe, suce mes traces dans la neige. Oui, elle s'arrête, quelle accrochage. M'évapore dans mes rêves, cauchemar. Mes potes veulent m'assassiner, mais je continue. C'était juste un lait dans un champ d'air rayé. Les zombies vont tous dans le même sens. Quand tu parles des singes, c'est juste que ma tombe ne sert pas à qu'est-ce que tu penses. Bébite en dessous de la taille comme un dreamer. J'attaque le ciel comme un gris. La télévision fait caca, attention, je suis un goonies. Désolé, c'est la revanche des nerds. Rencontrons la télé comme Wayne's World. UHF style. On frappe des Ferrari, c'est comme c'est pas si grave. On a une congé, j'pars en vacances avec Bernie. Milliers de politiques se sont sur les mêmes visages à moitié peint. On fait pas ça pour rien, pour la famille dont j'suis le parrain. Murphy toujours en ville, au CP peut rien empêcher. Couteau des dents, mitraillette, j'mets pour vrai à dégainer. Les rites uniques. C'est un vieux succès de C'est fou, ça, c'est 4D, avec la pièce Mission Climat. C'est extrait de l'album 4D et Le Prince Louvesque, qui date de 2002. Très bonne pièce. Juste avant ça, on avait entendu comme à la télévision de Omnichrome. Et un petit peu plus tôt dans l'émission, dans un autre bloc, je vous parlais d'Alexandre Desilets, de son album. Je vous avais dit que je vous donnerais un petit peu plus d'infos parce que c'était pas très bien préparé tantôt. L'album s'appelle Escalader l'ivresse. Et puis, vous pouvez aller voir le site MySpace d'Alexandre Desilets. C'est tout simplement myspace.com/Alexandre Desilets. Vous pourrez acheter l'album en ligne. Et puis, sachez que Alexandre Desilets va être en spectacle à Trois-Rivières, mais c'est vraiment très loin encore. C'est le 22 octobre. C'est dans 6 mois à peu près. Donc, vous avez le temps d'y penser encore. Vous avez le temps de vous trouver une gardienne d'ici là. Donc, j'ai même le temps de vous en reparler, je pense. J'ai le temps de l'oublier, de le redécouvrir comme si c'était nouveau, puis de vous en parler. Donc, on s'en reparlera. Il reste pas beaucoup de temps à l'émission. On va écouter tout de suite une pièce de Carl-Éric Hudon. Marcher au parc ensemble. C'est vraiment une très bonne pièce, extrait de l'album Contre le tien, Anana Bongolove. Il va y avoir aussi, dans le dernier bloc de l'émission, il va y avoir du Roi Poisson, du Roi à l'Arche aussi. Et puis, on risque de se reparler d'ici la fin. Mais on commence avec Carl-Éric Hudon et Marcher au parc ensemble. Vous écoutez la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'était Carl Éric Hudon avec la pièce Marché au parc ensemble et c'est ce qui va terminer l'émission. Ben en fait, il va rester du temps pour une pièce. La dernière pièce, ça va être Chien galeux du Roi Poisson. Moi, je vous laisse, pour les auditeurs du vendredi, je vous laisse en compagnie des lumineux lutins de l'enfer. Ils sont vraiment beaux aujourd'hui. Si vous écoutez la rediffusion, ce sera pas les lutins de l'enfer. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, je l'espère, à 17h pour les palmarès. Sinon, assurément, à 20h pour la dernière porte à gauche. On se laisse avec le Roi Poisson et Chien galeux. Et les lutins de l'enfer s'en viennent dans quelques minutes. C'est qu'ils se parlent, ils se connaissent.